Où est-il ? Dans le ravin. Je vais l'enterrer. Il est mort en chrétien. Je lui fendirai chanter une messe. Qu'on dise à mon gendre Teodoro Bianchi de venir demeurer avec nous.